péché, je sombrais loin de l'amour de Dieu. Vivant l'univers souillé au point du non-retour, mais le maître de sa grâce perçut mon cri de peine et lança son filet de pécheur pour moi. Oh, l'amour m'a sauvé, l'amour m'a sauvé, quand rien ne put m'aider, l'amour m'a sauvé. Sauvé, oh Christ m'a sauvé, quand rien ne put m'aider, Christ m'a sauvé. L'ange vint à moi de jour, ouvrant la porte du Fils, jugeant mon esprit pour lui, me donna son amour. Et le maître de moisson, par cet appel divin, me donna d'être dans son esprit toujours. Oh, l'amour m'a sauvé, sauvé, quand rien ne put m'aider, l'amour m'a sauvé, oh Christ m'a sauvé, oh Christ m'a sauvé, quand rien ne put m'aider, Christ m'a sauvé. Sauvé, l'amour m'a sauvé, quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé, oh Christ m'a sauvé, oh Christ m'a sauvé, quand rien ne peut m'aider, Christ m'a sauvé.